Le général macédonien Démétrius vécut au IIIe siècle avant notre ère. Son surnom, Polyarcète, signifie le preneur de ville. Le peintre Protogène vécut un siècle avant. Les mânes, les âmes des morts, sont considérés comme des divinités. Démétrius, un des plus illustres capitaines de son siècle, assiégeait la capitale de la fameuse île de Rhodes, ville très belle et très riche en chefs-d'œuvre de l'art. L'habileté et l'expérience de ce général dans l'art des sièges et l'invention de plusieurs machines savantes lui avaient fait donner le surnom de Polyarcète. Durant le siège, il avait formé le projet d'attaquer, de saccager et de livrer aux flammes quelques édifices publics situés hors des murs et qui n'avaient qu'une faible garnison. Un de ces édifices renfermait le fameux tableau de Lialissus ou dû au pinceau du célèbre Protogène. Ce chef-d'œuvre excitait l'envie et la colère de Démétrius. Les Rhodiens lui envoient des députés chargés de lui dire « Quel motif te porte à ensevelir ce tableau sous des ruines fumantes? Si tu triomphes de nous, toute la ville est à toi, et avec elle, le tableau intact. Mais si tes efforts sont inutiles, prends garde qu'on ne dise, à ta honte, que n'ayant pu vaincre les Rhodiens, tu as fait la guerre aux mânes de Protogène. » Dès qu'il eut entendu ce discours, Démétrius leva le siège, épargnant à la fois et la ville et le tableau.